les ahbash, tu vois, dans les cours qu'on a parlé dans Al-Asma wa Sifat, on a parlé des Asha'ira, et bien les ahbash, ils ont les mêmes idées que les Asha'ira à propos de Asma Allah wa Sifat, à propos de ben, les Mu'tazila, c'est une autre secte. Et les Asha'ira, ils viennent des Mu'tazila, en fait. Ils sont inspirés par les Mu'tazila. Ils ont des différences entre eux, quand même. Oui, c'est ça, la fitna avec eux, c'est ça. C'est qu'ils prétendent être Ahl-Sunna wal-Jama'a. Alors qu'en fait, ils ne sont même pas Ahl-Sunna wal-Jama'a. Comprends? Et c'est pour ça que l'imam Ahmad il disait, faites attention aux gens du kalam, Ahlul Kalam, même s'ils prétendent être des défenseurs de la Sunna. Hein? Et puis il y en avait un de ces gens-là qui s'appelait Al-Muhafidi, Al-Harith Al-Muhafidi, qui était à l'époque de l'imam Ahmad. Et l'imam Ahmad interdisait aux gens de s'asseoir avec lui, parce qu'il avait des idées, il avait étudié Ahlul Kalam. Et malgré que c'était pas, il n'en avait pas beaucoup par rapport à d'autres. Et il affirmait même les attributs d'Allah comme Al-Istiwa et des choses comme ça. Mais malgré ça, il avait interdit aux gens de s'asseoir avec lui. Donc imagine, si on imagine ça par rapport à une chose là, c'est encore pire. Ah, ils font le takfir. Eux, ils déclarent Ibn Taymiyyah comme étant un kafir. Et pas seulement Ibn Taymiyyah. La plupart, beaucoup d'ulama, ils les déclarent comme étant des kuffars. Al-Albani, Sayyid Sadiq, celui qui a écrit sur le Sunna, ils disent qu'il est kafir. Et beaucoup d'autres. Et même, je me souviens, un d'entre eux là, il m'a dit que je suis kafir. C'est vrai. Il m'a dit, toi, t'es kafir. Chaque fois que je passais à côté de lui, je lui disais, Assalamu alaikum. Et lui, il ne me répondait jamais. Il ne me disait jamais, Wa alaikum salam. Un jour, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais toi, à chaque fois que je te dis salam alaikum, tu ne me dis jamais wa alaikum salam. Est-ce que tu penses que je suis kafir? Il m'a dit oui. C'est kafir. Je lui ai dit, pourquoi tu dis, comment tu peux dire que je suis kafir? Il dit, parce que, comme ça, tu fais le tachbih. Tu dis que Allah est au-delà de son trône. Ou des choses comme ça. Donc ça, c'est, pour lui, c'était court. Alors que c'est Allah qui lui dit dans le Coran. Subhanallah. Ici, ils viennent, pas de ça. C'est pas ça qu'ils viennent. Ils viennent? C'est-à-dire qu'ils viennent, mais tu peux pas les voir. Ah, ok. Je veux déjà te protéger, moi, souvent, parfois, je prends mon film. Tu passes par là-bas? Ah, ouais, j'ai déjà eu des frères. Ah, ouais. Et puis, après, ils viennent? Non, l'autre, j'ai des vieilles. Abdul Salam, oui. Ah, oui, c'est déjà. C'est là, quoi. Ouais. Il y en a qui. Abdou Salam, c'est un vieux haïtien, il est devenu musulman depuis longtemps, il était chauffeur de taxi, puis il est devenu musulman, mais il a plein d'idées bizarres. Il mélange avec le soufia, il mélange avec l'ahdash, il mélange avec toutes sortes d'idées. Non, il est vieux, il a une barbe blanche. Il est noir, il a une barbe blanche, les cheveux blancs. Donc on va commencer. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc, alhamdulillah, on a terminé maintenant le premier pilier de la foi. Al-Rukn al-Awwal min arkan al-Iman al-Sitta. Donc, on sait que les piliers de la foi sont six. La foi en Allah, la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux messagers, la foi au jugement dernier, la foi en la prédestination, et puis, il en manque un. Ouais, je l'ai mentionné, hein. Ouais, donc c'est ça, ça fait six piliers de la foi. Et donc, on a terminé d'expliquer l'iman billah en expliquant les trois catégories de tawhid, c'est-à-dire tawhid ar-rububiyyah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Deuxième, c'était tawhid fil-ibadah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Hein? Et le troisième, c'était tawhid fil-asma'i wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans les noms et ses attributs. Et là, on a complété ça, alhamdulillah, et c'était la moitié du livre à peu près qui parlait de ce sujet. Maintenant, ça nous a pris à peu près un an pour finir ça. Et là, on commence maintenant le deuxième pilier qui est Al-Imanu Bil-Malaika. Et sur ce sujet de Al-Imanu Bil-Malaika, il n'y a pas eu beaucoup de khilaf, beaucoup de désaccords entre les musulmans sur ce sujet-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il n'y aura pas beaucoup de détails ou qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps pour étudier ce sujet-là, puisque c'est un sujet sur lequel la plupart des musulmans, même ceux qui sont égarés dans des sectes, eh bien, la plupart ils sont tous d'accord sur ce sujet. Donc, le cheikh, il n'a pas pris beaucoup de temps pour détailler ou rentrer plus que ça dans le sujet. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Le cheikh, il dit, Al-Aslu Thani, Al-Imanu Bil-Malaika. الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل حيث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. دوت الشيخ الزي ك في الدوزيام تيليه الدوزيام فوندمنت كذا لفوا ليزانج. Et il dit que la foi en les anges, c'est un des six piliers de la foi, comme on vient juste de le dire. Et comme c'est mentionné dans le hadith de Jibril, le hadith de Jibril qui est bien connu, c'est-à-dire le hadith où un homme est apparu au Sahaba, et il n'était pas connu parmi les Sahaba. C'est-à-dire quand il est apparu, les gens ont dit cet homme-là, personne d'entre nous ne l'avait jamais vu. Et pourtant, ses vêtements étaient d'une blancheur éclatante et ses cheveux étaient d'un noir très foncé. Donc, habituellement, quand quelqu'un vient d'un voyage, arrive d'un voyage, il est en poussière, il est sale parce qu'il vient de loin et donc il n'a pas ses vêtements ne sont pas propres habituellement et ses cheveux ne sont pas propres. Mais celui-là, personne ne le connaissait, il venait pas de la ville. Et malgré tout, ses vêtements étaient d'un blanc éclatant, et ses cheveux étaient noirs, éclatants, et très noirs, et puis, donc, personne d'entre les Sahaba ne le connaissait. Il dit, ya'arifuhu minna ahad. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, et il y avait les autres Sahaba, et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses genoux devant les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, il a mis ses mains comme ça sur les genoux du prophète. Il a mis ses mains sur les cuisses du prophète et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a dit, qu'est-ce que c'est l'islam? Mal l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué que l'islam c'est de témoigner ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah, c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et de dire que yani Muhammad est le messager d'Allah et yani an tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah فتصوم رمضان وتحج البيت. Donc il y a résumé les cinq piliers de l'islam. Ensuite il y a dit sadaq, il y a dit l'homme étranger a dit tu as dit vrai. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam tu as dit vrai. Alors les sahabes ont dit mais on était tous étonnés de voir que c'est lui qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'ensuite il lui dit tu as dit vrai. Habituellement quand on pose une question c'est pour savoir parce qu'on ne sait pas. Alors que lui il confirmait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Ensuite il lui a dit wa mal iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc il y a répondu par la section qu'on vient juste de mentionner, c'est la foi, c'est l'iman, il a dit la foi, c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers et au jour dernier, et de croire à la prédestination, qu'il y a de bien et de mal dans la prédestination. Qu'est-ce que Dieu t'a prédestiné? De bien ou de mal. Aïkoum salam, Idriss. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Aïkoum salam, tu vas prier? Ok, parfait. Naam. Donc, ensuite de ça, il lui a demandé d'autres questions. Il lui a demandé, Omal Ihsan. C'est quoi l'ihsan, c'est quoi la bonté, la bienfaisance, le mot qui peut traduire l'ihsan, c'est ça, la bonté ou la bienfaisance. Et il a dit à l'ihsan, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu n'es pas capable d'arriver à ce niveau, alors adore Allah comme si lui il te regarde. Hein? Ensuite, il lui a dit, c'est quoi les signes du jugement dernier? Il lui a dit, quand est-ce que viendra l'heure du jugement? Il lui a dit, celui à qui tu demandes ne sait pas plus que la personne qui demande. Alors, il lui a dit, mais c'est quoi ces signes? Il a dit, les signes du jugement dernier, c'est que tu vas voir la mère qui, un tel idal, amasarabbaka. La servante qui va accoucher de sa maîtresse. Oui, quelque chose comme ça. وَأَنْ تَعْرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَ رِعَاءَ الشَّأْنِ يَتَطَوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Tu vas voir les bédouins ou les bédouins, il y en a ceux qui font paître les chefs. Eh ben, ceux-là, ils vont être ceux qui sont, ils sont nus-pieds, puis ils sont nus. C'est-à-dire qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien, mais tout d'un coup, ils vont commencer à faire la compétition dans les constructions, la hauteur des constructions. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire des hauts bâtiments. Donc, quand tu vas voir ça, ce sera un des signes que l'heure approche. Ok? Donc, c'est ça. Et ensuite... Oui, il y a différentes interprétations là-dessus. Il y en a qui ont dit par exemple, c'est que l'enfant elle devient comme gâté, puis elle devient comme le maître de ses parents. Ça, puis il y a d'autres explications aussi, puis on va y revenir, parce qu'à la fin le chef il en parle de ça, à la magistrat. Donc on va en parler. Donc c'était juste pour... l'homme s'est levé et puis il est parti. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, est-ce que vous savez qui était cet homme? Il a dit, ils ont dit non, c'est pas. Il a dit ça, c'était Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit aux sahaba de poser trop de questions. Alors, les sahaba ne posaient pas beaucoup de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand il y avait quelqu'un qui venait de l'extérieur, un bédouin ou quelque chose de ce genre, qui venait, eux, ils aimaient ça, parce que c'était une occasion pour eux d'apprendre des choses sur l'islam. Donc, il a dit ça, c'est Jibril, il est venu pour nous apprendre votre religion. Donc, c'est ça le hadith de Jibril. Donc, si on vous dit le hadith de Jibril, vous allez savoir de quoi on parle. C'est ce hadith. Après, le chef il dit, وقد جاء ذكر الإيمان بالملائكة مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات القرآنية كما قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Donc le cheikh dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la foi en les anges, toujours associé avec mentionné avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs des versets dans le Coran. C'est-à-dire, le Coran mentionne par exemple de croire en Allah, puis tout de suite après de croire aux anges. Donc toujours, souvent ça vient un à côté de l'autre. Donc il donne deux versets comme exemple. C'est-à-dire que tous les messagers croient en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers. Ça c'est un des versets qu'il a mentionné. Puis dans l'autre il dit, par contre la piété c'est de croire en Allah, ou la bonté c'est de croire en Allah et au jour dernier et aux anges et aux livres et aux prophètes. Donc ça c'est un autre ayat que le cheikh a mentionné. Ensuite, le cheikh dit « وَالْإِمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ ou بِالْمَلَائِكَةِ يتضمن التصديق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون وخلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره والإيمان بأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها حسب ما ورد في الكتاب والسنة والإيمان بفضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل. Donc le cheikh il explique qu'est-ce que ça implique la foi aux anges. Qu'est-ce que ça signifie de croire aux anges? De croire aux anges, ça signifie de croire en leur existence. Premièrement, de croire qu'ils existent. Ils sont là, ils sont présents, ils existent. Ils existent réellement. C'est pas des choses racontées ou d'une imagination. C'est réellement des êtres qui existent mais qu'on peut pas voir. Ensuite, le cheikh il dit, et il faut croire que ce sont des adorateurs d'Allah qui sont nobles ou qui sont honorés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour qu'ils l'adorent, pour son adoration et pour exécuter ses ordres. Okay? Et il faut croire aussi aux différentes catégories des anges qu'Allah a créés et aux différentes caractéristiques et descriptions qu'il a utilisé pour le décret, comme c'est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, et aussi de croire à leurs différentes activités ou leurs différentes tâches. Certains anges ont des tâches spécifiques, et donc celles qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, il faut y croire. Et puis ensuite, le cheikh il dit, tout ça, c'est toujours tel que c'est mentionné dans le Coran ou le Sunna. Et ensuite, il dit, il faut croire aussi en leur mérite et en leur statut auprès d'Allah, leur degré auprès d'Allah. Ensuite, le cheikh, il dit, وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ أو فِي صَحِيحِ مُسْلِمْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُمْ مِنْ نُورِ. C'est-à-dire que dans le Sahih Muslim, il y a un hadith qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges à partir de lumière. On sait que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé à partir de terre. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a créé les hommes comme avec de la terre, comme une poterie. Et il a créé les djinns à partir d'un feu. Okay? Tandis que les anges sont créés de lumière. Donc, c'est un point intéressant et important à comprendre aussi, c'est que les anges et les djinns sont deux créatures différentes et qu'ils ne sont pas créés de la même source à l'origine. C'est-à-dire les anges sont créés de lumière et les djinns sont créés de feu. Et que Iblis, alayhi la'natullah, il n'est pas un ange. Hein? Beaucoup de gens ont cru que le diable était à l'origine un ange qui a chuté. Toutefois, c'est faux de croire ça. Il faut croire que l'Iblis était un djinn. Et ça, c'est clair dans le Coran, dans le surat Kahf, si vous lisez, lorsque Allah a ordonné aux anges de se prosterner à Adam, alors Allah a dit « فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِيْتْ كَانَ مِنَ الْجِنْ » Donc Allah il clarifie spécifiquement que les anges se sont prosternés tous, excepté Iblis, et lui, il était parmi les djinns, c'est-à-dire il faisait partie des djinns. Mais à cause de sa connaissance, à cause de sa piété, Allah l'avait élevé au niveau des anges. Mais lorsqu'il a refusé de se prosterner à Adam, et qu'il a refusé d'obéir à l'ordre d'Allah par orgueil, Allah l'a rabaissé et l'a maudit. Donc ça c'est un point important à comprendre. Ensuite, Allah سبحانه وتعالى, le Cheikh il dit, ومما يدل على فضلهم وشرفهم أن الله يضيفهم إليه إضافة التشريف. Le Cheikh il dit, parmi les choses qui montrent que les anges ont un mérite et qu'ils sont nobles, c'est que Allah سبحانه وتعالى les mentionne après avoir mentionné sa personne, il mentionne ses anges. Ok? Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu kullun amana billahi wa malaikatihi. Wa qawluhu wa man yakfur billahi wa malaikatihi. Wa qawluhu man kana aduwan lillahi wa malaikatihi. Donc, souvent, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les anges après avoir parlé de lui-même, ou après avoir mentionné son nom. Et ça, c'est une chose qui nous fait voir que les anges ont un grand mérite auprès d'Allah et qu'ils sont nobles, yani, et qu'ils sont nobles et honorés du fait d'être mentionnés après Allah subhanahu wa ta'ala par Allah. Et c'est pour nous faire montrer, c'est pour nous montrer leur haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le chef il dit, ويقرن سبحانه شهادتهم مع شهادته وصلاتهم مع صلاته كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le chef qu'est-ce qu'il explique maintenant, c'est que Allah سبحانه وتعالى souvent il associe ou il met ensemble. Par exemple, dans un verset, il mentionne que les anges font un témoignage, les anges témoignent avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui-même, ainsi que ses anges. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, ainsi que les gens qui détiennent le savoir. Hein. Donc ça c'est un exemple. Et il y a l'autre exemple qu'il mentionne, وَقَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. Allah subhanahu wa ta'ala et les anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils envoient leurs bénédictions et leurs prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre exemple, il dit يَصِفُهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْكَرَمِ وَالْإِكْرَامِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala les décrit comme étant des créatures qui ont une noblesse et qui sont honorées. قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة. C'est-à-dire, ça c'est dans surat, je pense que c'est Abasa, oui, c'est ça. C'est des nobles scribes qui sont des ambassadeurs qui sont nobles et qui sont vertueux. Yani. Et puis dans une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna alaykum la hafidin kiraman katibin, wa alaykum salam. C'est-à-dire ils ont sur eux des gardiens qui sont de nobles scribes, ils prennent en note. Il y a des anges qui prennent en note les actions des gens et qui sont anoblis ou honorés. Dans un autre verset, Allah SWT dit « Bal ibadun mukramun » C'est-à-dire les anges sont des serviteurs d'Allah qui ont été honorés. Allah SWT aussi, le cheikh il mentionne à propos des anges, il dit « Yasifuhum bil'ului wa taqrib » Allah SWT les mentionne en les décrivant comme étant haut, des êtres élevés et qui sont rapprochés d'Allah SWT. كما في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وفي قوله يشهده المقربون donc يعني ça c'est une aya au sujet des يعني qui mentionne que les shayatins ils ne peuvent plus atteindre les hauts dignitaires parmi les anges. Allah les a appelés les anges les hauts dignitaires. Al-mala al-a'la. Al-mala al-a'la, c'est-à-dire les hauts dignitaires, c'est les anges. Et donc, ils ne peuvent plus les atteindre pour voler des informations comme ils faisaient avant à cause du Coran et ils sont poursuivis par des étoiles filantes ou des choses de ce genre. Il y a ce verset-là qu'il a mentionné et dans un autre verset, يشهده المقربون les anges qui sont Allah les a mentionnés comme étant مقربون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته comme étant Allah les a mentionnés comme étant rapprochés de lui. Ensuite le chef il dit ويذكر حملهم للعرش وحفهم به كما في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله وقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش donc Allah سبحانه وتعالى le cheikh dit Allah a mentionné que les anges sont ceux qui supportent l'arche c'est-à-dire ils tiennent le trône d'Allah سبحانه وتعالى et que les anges tournent autour, font du cercle autour du trône. Il dit, il parle des anges, il dit ceux parmi les anges qui tiennent le trône et qui sont autour, et ceux qui sont autour de celui-ci. Et dans une autre aïe, Allah dit, et tu verras les anges qui tournent autour du trône, qui font des cercles autour du trône. يعني حافين من حول العرش التون وطول الطون donc c'est à la fin de surat al-Zumar Allah سبحانه وتعالى dit ça وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم dans un autre ayat Allah سبحانه وتعالى ensuite le cheikh dit يذكر سبحانه أنهم عنده ويعبدونه ويسبحونه كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقوله إن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون donc يعني le cheikh il dit que Allah les mentionne les anges comme étant auprès de lui et qu'il l'adore et qu'il le glorifie et il mentionne un verset qui dit que ceux qui sont auprès de ton Seigneur ils ne s'enorgueillissent pas de l'adorer ils n'ont pas d'orgueil c'est-à-dire ils ne prennent pas ça avec orgueil du fait que ils doivent l'adorer, ils sont en fait, ils se sentent honorés du fait de devoir l'adorer, et donc ils ne sont pas comme par exemple certains êtres humains, si Allah leur demande comme par exemple Iblis, quand Allah a demandé à Iblis de se prosterner, eh bien il est devenu orgueilleux, il a refusé de se prosterner par orgueil, parce que quelqu'un n'aime pas se rabaisser devant quelqu'un d'autre. Mais quand c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un a de l'orgueil pour se prosterner devant lui, et qu'il est fier, alors là, ça c'est un acte de kufr, c'est un acte de mécréance. Mais Allah décrit les anges comme étant des êtres qui n'ont pas cet orgueil, yani de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit qu'il l'adore et il le glorifie, et c'est à lui, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se prosterne. Et il mentionne dans un autre verset, istakbaru, c'est-à-dire si les mécréants deviennent orgueilleux, sont orgueilleux de se prosterner ou de l'adorer, d'adorer Allah. Donc, qu'ils sachent que Allah subhanahu wa ta'ala a des êtres, ou a des anges, qui le glorifient jour et nuit, et qui ne se fatiguent jamais de l'adorer ou de le glorifier. Donc, peut-être que certains mécréants nous pourraient penser que, bon, Allah a besoin des créatures pour l'adorer, a besoin d'un être humain. Et que ça lui fait du mal si les êtres humains refusent de l'adorer. Alors qu'il sache qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin des êtres humains, et que même si tous les êtres humains refusaient de l'adorer, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des créatures qui l'adorent jour et nuit, sans arrêt. Leur souffle, quand ils restent et quand ils existent, c'est une adoration et un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent subhanallah, alhamdulillah, et tout ça. Donc, c'est des louanges et des glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala continuelles et sans arrêt. Donc, il y en a des anges que Allah subhanahu wa ta'ala a créés qui sont prosternés et qui restent comme ça, tout le temps prosternés à Allah subhanahu wa ta'ala, et se fatiguent jamais. C'est pas comme nous. Et après avoir fait quelques adorations, on commence à sentir la fatigue déjà. Et donc, on a hâte de que ça termine. Pas les anges. Les anges, eux, c'est constant, sans arrêt. Donc, le cheikh ensuite, il dit, وَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَعْمَالِ الَّتِي يَقُومُونَ بِهَا أَصْنَافِ. C'est-à-dire, par rapport aux activités ou aux responsabilités ou aux actions qu'ils ont, les anges, eh bien, ils sont en différentes catégories. Le chef il dit, فَمِنْهُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ. Parmi les anges, il y a ceux qui tiennent le trône. قَالَ تَعَلَىٰ أَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ. Les anges qui tiennent le trône et qui sont autour. وَقَالَ تَعَلَىٰ يَحْمِلُونَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. C'est-à-dire, les anges qui vont tenir le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là seront 8 anges. Donc, il mentionne qu'il y a des anges qui tiennent le trône. Et il y a parmi les anges ce qu'on appelle al-muqarraboun, les anges qui sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans une ayah, لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc, c'est-à-dire, Allah il dit que Al-Masih, c'est-à-dire le Messie, Jésus, fils de Marie, il ne trouve jamais indigne d'avoir à être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni de même que les anges qui sont rapprochés. Ensuite, le chef il dit, وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِالْجِمَانِ وَإِعْدَادِ الْكَرَامَةِ لِأَهْلِهَا. Donc, الجنان, oui. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِالْجَنَانِ وَإِعْدَادِ الْكَرَامَةِ لِأَهْلِهَا. Donc, c'est-à-dire les anges qui sont faits pour le paradis, sont là pour dans le paradis, les anges du paradis sont là pour préparer le paradis et pour donner aux gens qui sont dans le paradis tout ce qu'ils ont besoin. Et puis il y a d'autres anges, minhum al-mukalluna ou bien al-mukalluna بالنار وتعذيب أهلها وهم الزبانية مقدموهم 19 وقازنها مالك وهو مقدم الخزنة وقال تعالى عليها 19 وقوله ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك وقوله قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc là, le cheikh il parle des anges de l'enfer. Et il dit que ce sont des anges qui ont la responsabilité de l'enfer, c'est-à-dire dans l'enfer, ils sont là et ils torturent et ils punissent les gens qui sont dans l'enfer. Et on les appelle Az-Zabaniya. Az-Zabaniya. Et il dit les ceux qui sont en avant parmi ces. Les premiers de ces anges-là sont 19. 19 anges. Et celui qui est en responsable de ces anges, c'est Malik. C'est un ange qui s'appelle Malik. Et celui qui est, disons, le premier de ces anges-là, le plus fort de ces, ou le plus grand de ces anges-là, et après, Allah, il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, alayha 19, c'est-à-dire sur l'enfer, il y aura 19 anges. 19 anges qui vont, garder, qui vont le garder ses forces, ou, quelque chose comme ça. Et puis, qu'est-ce l'histoire de cette ayah, où, c'est que les mouchriquins, quand ce verset-là est descendu, ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alayha 19, c'est-à-dire il y a 19 anges qui, le garde, il garde l'enfer, pour pas que les gens puissent s'en sortir. Ouais. Donc, ils ont dit, mais s'ils sont seulement 19, on pourra les sauter dessus et essayer de s'enfuir. Et animer, c'est parce que c'est, et eux, ils s'imaginent ça, mais ils savent pas quelle sorte d'ange ils ont à faire. Donc, c'est pas si facile qu'ils imaginent. Et dans une ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, le chef il mentionne une ayah dans laquelle les gens de l'enfer, ils appellent, ils parlent, ils s'adressent à l'ange de l'enfer, Malik. Et ils lui demandent, Ya Malik, demande à ton Seigneur, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il en finisse avec nous une fois pour toutes. C'est-à-dire, eux, dans l'enfer, ils souhaiteraient pouvoir être morts définitivement. Comme ça, ils vont cesser d'être torturés ou punis, mais comme ils souhaiteraient mourir dans l'enfer, mais ils ne peuvent pas. Donc ils demandent à Malik de demander à Allah de les achever complètement. Donc ça nous montre un peu comment doit être dur ce châtiment, que Allah nous en préserve. Et après, il mentionne un autre verset qui dit les gens de l'enfer, ils vont dire aux anges qui sont là pour nous préserver, qui sont là pour nous garder, demandez à votre Seigneur qu'il nous diminue un jour du châtiment. C'est-à-dire, les anges de l'enfer, ils demandent, et les gens dans l'enfer, ils demandent aux anges, demandez à votre Seigneur qu'il nous diminue un seul jour du châtiment dans l'enfer. Ça nous montre comment ce châtiment est dur. Parce que il demande par pitié une seule journée de répit, de châtiment. Et dans une autre aïe comme ça, il demande qu'on leur verse un peu d'eau. Il voit les gens dans l'enfer, voient les gens qui sont dans le paradis. Et les gens qui sont dans le paradis voient les gens qui sont dans l'enfer. Et ils se parlent. Alors les gens dans l'enfer disent, envoyez-nous un peu d'eau. Ou bien un peu de qu'est-ce que votre Dieu, votre Seigneur nous a donné. Et après les gens du paradis leur répondent et ils disent, Allah a interdit ces choses-là aux non-croyants. Et donc, on ne peut pas vous envoyer rien, ni une goutte d'eau, ni quoi que ce soit de ce que Allah a donné aux croyants dans le paradis. Donc, ça c'est des images claires qui nous font voir la gravité de la situation dans l'enfer et la dureté du châtiment. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala décrit les anges en disant, les anges de l'enfer en disant, Alayha mala'ikatun ghilazun shidad, c'est-à-dire, sur l'enfer, il y a des anges rudes et durs qui ne désobéissent pas à l'ordre de leur Seigneur et qui font ce qu'ils sont ordonnés de faire. C'est-à-dire, l'ange, on peut pas les acheter ou leur faire les corrompre avec quoi que ce soit. Tu peux pas business avec les anges. C'est-à-dire, quand Allah leur demande de faire quelque chose, leur ordonne quelque chose, il n'y a pas de façon de les faire autre chose. Et ils ne sont pas des anges avec qui on peut s'amuser. Subhanallah, ce sont des anges rudes et durs. Donc, ils ne plaisantent pas avec les mécréants. Donc, ça c'est un exemple dans le Coran. Ensuite, le Cheikh dit parmi les anges, ومنهم المكلون بحفظ بني آدم في الدنيا. Oui, المكلون بحفظ بني آدم في الدنيا. Et il mentionne الآية, قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الآية أي معه ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه أو خلوا عنه. Donc le chef il dit, il y a des anges qui ont été assignés à protéger l'être humain dans cette vie. Et il mentionne un verset qui dit, et ils ont des anges qui se relient les uns les autres, devant et derrière eux, et qui les préservent de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les préservent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est ça, qui les préserve par la permission d'Allah. Et après il dit, le cheikh il explique qu'il dit, ce sont des anges qui les protègent en avant et derrière eux. Et après il dit, وَمِنْهُمْ أَلْمُكَلُونَ بِحِفْدِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ وَكِتَابَتِهَا قَالَ تَعَالَى عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَقَالَ تَعَالَى وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَقَالَ donc le cheikh il m'explique qu'il dit, il y a des anges qui ont été assignés à prendre en note les actes des serviteurs et de les écrire. Et il mentionne que dans un verset, dans Surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que il y a un ange qui est à droite et à gauche, qui est assis et qui prend en note tout ce qui sort de la bouche de l'être humain. Il prend en note tout ce qui sort de la bouche de l'être humain. Hein? Donc il y a l'ange qui est à droite et il y a l'ange qui est à gauche. Subhanallah. Et puis on le voit pas. ça c'est évident, mais c'est une chose auquel on doit croire. C'est parti du rêve, de l'invisible. Mais ils sont là les deux, et tout ce qui sort de notre bouche, et même qu'est-ce qu'ils disent maintenant là, eh bien ils sont en train de l'écrire. Et il y en a qui disent que l'ange de droite il écrit tout le bien, et l'ange de gauche écrit le mal. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ça aussi je ne sais pas, sûrement, si j'ai dit non les anges ou non, je ne suis pas au courant. Allahu a'lam. S'il y a un dalil, ça doit être général pour les hommes et les djinns, puisque les prophètes ont été envoyés pour les astakalem, les hommes et les djinns. Et eux aussi, ils auront un jugement, les djinns. Donc, c'est ça. Allahu a'lam. Et donc, il mentionne le verset dans lequel Allah a dit ça, et il y a un autre verset qu'il mentionne, c'est « Et sur vous, il y a des gardiens, des nobles scribes, yani qui savent ce que vous faites. » Et ensuite, il mentionne, le cheikh il dit « وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فمع الإنسان ملائكة يحفظونه من المؤذيات وملائكة يحفظون عليه أعماله وما يفر منه. Donc, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des anges qui se relaient sur vous jour et nuit. Se relaient sur vous jour et nuit. Et il y a donc, le chef dit donc, il y a sur l'ange des anges qui les protègent de ce qui est mauvais, et il y a aussi d'autres anges qui gardent en note et qui gardent tout ce que l'être humain peut dire de parole ou d'action. Et après, le chef dit, وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ هُوَ مُوكَلٌ بِالرَّحْمِ وَشَأْنِ النُّطْفَةِ كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Donc c'est ça. Et le cheikh il dit, il y a des anges qui sont assignés à s'occuper de du ventre de la mère là, quand le bébé va naître. Et donc il mentionne un hadith rapporté par Ibn Mas'ud dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala rassemble notre création dans le ventre de sa mère 40 jours comme une nutfa. Ensuite il dit qu'il va rester encore 40 jours alaqa, comme une alaqa, quelque chose qui est accroché, et ensuite il va être 40 jours comme une mudra, et c'est des stades, différents stades d'évolution du fœtus dans le ventre de la mère. Puis ensuite le chef il dit, et après ça, je pense après ça fait 120 jours, 3 fois 40, ça fait 120. Après ça, Allah il envoie un ange pour souffler dans l'enfant son âme. Après 120 jours, l'ange vient et souffle l'âme dans le bébé. Et il est ordonné d'écrire 4 choses. Il écrit son risque, c'est-à-dire la subsistance de cet enfant, c'est-à-dire il écrit qu'est-ce qu'il va recevoir comme subsistance toute sa vie. Donc tout ce que tu vas avoir dans ta vie jusqu'à ta mort, c'est tout écrit déjà avant même sa naissance. Et il écrit aussi son ajaluhu, c'est-à-dire sa fin ou sa mort. Il écrit ses actes, ses actions, et il écrit s'il va être heureux ou malheureux. C'est-à-dire s'il va être au paradis ou en enfer. Tout est écrit déjà avant la naissance. Après, il dit, le cheikh dit, وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ قَالَ تَعَالَى حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. نعم. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فملك الموت له أعوان من الملائكة يستخرجون روح العبد من جسمه حتى تبلغ الحلقوم فتناولها ملك الموت. نعم. Donc le chef il explique, il dit que il y a des anges qui sont assignés à attraper les âmes lors de la mort. Donc qu'est-ce qu'ils font quand la mort arrive? quand la mort est destinée pour quelqu'un, à ce moment-là, l'ange de la mort vient et attrape l'âme de cette personne. Donc, le chef, il dit que, il mentionne deux versets. Le premier verset, il dit, jusqu'à ce que la mort arrive à un d'entre vous, donc un de nos messagers vient et il le fait, il prend son âme, et ces anges-là n'ont pas de négligence, ils n'exigent pas personne, rien, aucune chose. C'est-à-dire, ils vont pas négliger quoi que ce soit. Quand c'est le temps qu'une personne meurt, elle va mourir. Et après, il mentionne un autre verset dans lequel Allah SWT dit, Qul dit, l'ange de la mort qui vous a été assigné viendra, puis ensuite vous retournez, viendra vous faire mourir, vous prendre votre âme, puis ensuite vous retournez à votre Seigneur. Donc, chaque personne a un ange de la mort qui lui est assigné. Là, c'est le cheikh explique. C'est ça, c'est pas le même ange pour tout le monde. C'est ça que le cheikh il explique ensuite. Il dit que, l'ange de la mort, il a d'autres anges qui l'aident et qui font sortir les âmes des serviteurs de leur corps. Jusqu'à ce qu'elles arrivent, je pense, à Al-Hulqum, si je ne me trompe pas, c'est bien les clavicules. Les clavicules. Falawla iza balagat al-Hulqum. Si je ne me trompe pas, Al-Hulqum, c'est les clavicules. Allahu a'lam. Donc, fayatanawaluha malakul mawqin. Quand l'âme est arrivée jusqu'aux clavicules, là, l'ange de la mort vient et l'arrache. Ouais, c'est ça. Et subhanallah, il y a un hadith qui parle de ça, qui décrit la mort. C'est-à-dire, quand il y a une bonne âme, l'âme du croyant, elle est bonne. Elle sent bon. Et puis, quand la mort arrive, c'est les anges de la miséricorde qui viennent le chercher. Mais quand une personne est mauvaise, eh bien son âme, elle sent mauvais, et puis elle est pas belle. Donc c'est les anges du châtiment qui viennent le chercher. Et puis le hadith décrit comment ces anges-là viennent le chercher et comment ça se passe pour la bonne âme et comment ça se passe pour la mauvaise âme. Peut-être, Inch'Allah, la semaine prochaine, je ramènerai le hadith, Inch'Allah. Oui, c'est ça. Ouais. Jusqu'au porte du. Et les anges vont dire, les anges qui vont sentir cette âme-là, ils vont dire, mais c'est qui cette bonne âme qui sent bon, là, et là, ils vont dire, c'est l'âme de telle personne, fils de telle personne, fils de telle personne. Et donc, ils vont lui donner des bénédictions, des choses comme ça. Ensuite, l'âme retourne dans la tombe, et là, elle est dans un, si elle est bonne, elle est dans un sorte de jardin, comme une sorte de paradis, en attendant son jugement. Et si c'était une mauvaise âme, eh bien, sa tombe se rétrécit sur la personne, et puis, il est comme dans un châtiment jusqu'à ce que son jugement arrive. Qui se rétrécit? Non, ça se fait aussi. Mais il y en a des gens qui vont être épargnés du châtiment de la tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans le hadith. Et même, il y a une sourate qu'il a récite avant de dormir, qui peut être épargné du châtiment de la tombe, je pense que c'est Surat al-Mulk, si je ne me trompe pas, oui. Donc il y a ça. Ensuite, le cheikh il dit « Wal-maqsoudu an-Allah al-Mulk » c'est la royauté. والمقصود أن الله وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة تدبر شؤونهما بإذنه وأمره ومشيئته سبحانه وتعالى كما قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a assigné des anges qui s'occupent de faire fonctionner les choses de ce monde dans les cieux ou sur la terre, et tout ça c'est par sa permission, son ordre et sa volonté. Et il mentionne comme preuve de ça une ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le sens de ça c'est, il ne le précède pas par sa parole, il ne précède pas sa parole, et ils ne font uniquement que selon ses ordres, selon son ordre, c'est-à-dire selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font rien avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur ait demandé de le faire ou ordonné, et ils font rien sans son ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils sont entièrement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et uniquement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre ayah, il dit لا يعصون الله ما أمرهم, ils ne désobéissent jamais à un ordre que Allah leur donne, et ils font ce qu'ils sont ordonnés de faire seulement. Donc le cheikh il dit ensuite فلهذا يضيف سبحانه التدبير إلى الملائكة تارة لكونهم المباشرين له كقوله تعالى فالمدبرات أمرا, ويضيف التدبير إليه تارة كقوله يدبر الأمر. Donc le cheikh il explique que parfois Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que c'est les anges qui s'occupent de certaines choses parce que c'est eux qui vont la faire. Par exemple, il mentionne un verset, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَى, c'est-à-dire celles qui s'occupent, c'est-à-dire les anges qui s'occupent de certaines affaires. Et parfois, il mentionne que c'est lui-même qui le fait, comme lorsqu'il dit, يُدَبِّرُ الْأَمْرَى, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'occupe d'administrer les choses. Ensuite, il dit, فَالْمَلَائِكَةُ رُسُلُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ, واسم الملك يتضمن أنه رسول لأنه من الألوكة أو ألوكة. Donc le cheikh il explique dans ça que les anges sont des messagers d'Allah pour sa création et pour son ordre, et même le nom de l'ange ça implique qu'il est un messager, car à l'origine le mot malaïka ça vient de l'origine ألوكة, et ça veut dire messager ou message. يعني بمعنى الرسالة. Après, le cheikh il dit وقال تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع, وقال تعالى والمرسلات عرفا فهم رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السماوات والأرض. Donc, il dit que les anges, il mentionne un verset qui dit que Allah a fait des anges des messagers qui possèdent deux, trois ou quatre anges, quatre ailes, des ailes. Et je sais que aussi il y a un hadith qui mentionne que Jibril, alayhi salam, il a 600 ailes, d'accord, et avec un de ses ailes, il est capable de couvrir les cieux et la terre. Avec un de ses 600 ailes. Alors, on peut imaginer un peu la grandeur de Jibril. Donc, Jibril est immense. Et puis, donc, il peut, c'est pour ça qu'il dit, جَعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, c'est-à-dire, ce sont des messagers qui possèdent deux, trois ou quatre vers, puis ensuite il dit Yazidu fi khalqihi ma yasha. Il augmente ou il ajoute à sa création ce qu'il veut. C'est-à-dire s'il veut en mettre plus, belle à un ange, il en met plus, et comme l'exemple de Jibril, il en a donné 100 ailes à Jibril. Donc, on voit que ce verset-là nous montre que ce sont des messagers, et dans un autre verset, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Wal-mursalati urfa ». Donc, c'est pour montrer que ce sont des messagers qu'Allah envoie pour administrer son ordre, exécuter son ordre dans la création, et yani, que c'est lui qui organise yani, et administre tout ce qui se produit dans les cieux et la terre, parce que les anges ne font rien excepté que ce soit par l'ordre d'Allah. Ensuite, le cheikh dit وَهُمْ رُسُلٌ فِي تَتْبِيرِ أَمْرِهِ الدِّينِ الَّذِي تَنَزَّلَ بِهِ عَلَى الرُّسُلِ مِنَ الْبَشَرِ. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. donc le chef il explique que aussi les anges n'ont pas seulement la responsabilité ou ils n'ont pas seulement la tâche de transmettre ou d'exécuter les ordres dans la création, mais aussi ils ont l'ordre de transmettre le message de la religion aux prophètes. Okay? Donc c'est eux qui vont pour amener les révélations aux êtres humains, parmi les prophètes parmi les êtres humains. Et ils mentionnent des versets qui mentionnent ça, comme par exemple le ayat qui dit que Allah fait descendre les anges et l'esprit, c'est-à-dire Jibril, par son ordre, à qui il a voulu de ses serviteurs, pour qu'ils avertissent les gens en disant, rien ne mérite d'être adoré, sauf moi, alors craignez-moi. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala. Et, ensuite, il mentionne un autre verset, dans lequel, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah choisit de ses anges, qui il veut comme messager, et de même parmi les êtres humains aussi, il choisit qui il veut pour être un messager, ou un prophète. C'est ça. Et ensuite il dit, وَعَظَمُهُمْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ أَمِينُ الْوَحْيِ كَمَا قَالَ تَعَلَى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بلسان عربي مبين. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يعني الشيخ يقول que le plus grand parmi les anges c'est Jibril عليه السلام et c'est l'esprit qui est fiable. Amin. celui qu'on peut faire confiance. Mais, et il dit comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est une révélation du Seigneur des mondes. C'est l'esprit fiable qui l'a descendu, qui est descendu avec, sur ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs. Il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bilisan al-Arabi al-Mubin, en une langue arabe claire. Et ensuite, il dit, dans un autre verset, قل نزله روح القدس من ربك بالحق. C'est l'Esprit Saint qui l'a fait descendre en toute vérité de ton Seigneur. Donc ça veut dire que Jibril, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans ces deux versets-là et dans d'autres versets comme étant Ar-Ruh, puis Ar-Ruh al-Qudus. C'est-à-dire comme étant l'Esprit et l'Esprit Saint. Parce que il est le plus grand parmi les anges, donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné spécialement. Par exemple, il dit Al-Mala'ikatu wa Ar-Ruh. C'est-à-dire, malgré que Jibril, il fait partie des anges, mais étant donné qu'il est le plus grand des anges, Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne tout seul. Sans mentionner, yani, il mentionne les anges et Jibril. Yani, pour montrer que Jibril est très grand parmi les anges. Et le cheikh il dit, wa'ata Allah al-mala'ika qudratan ala al-tashakkul bi ashkal mukhtalifa. وقد جاءوا إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام بصورة أضياف وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة وتارة يأتي في صورة دحية الكلب وتارة في صورة أعرابي وتارة في صورته التي خلق عليها وقد وقع منه هذا مرتين وذلك لأن الله لأن البشر لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته ولما اقترح المشركون أن يرسل الله إليهم ملكا قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكا لكان على هيئة الرجل ولا يمكنهم مخاطبته ولا يمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه وهذا وبالله التوفيق. Donc le chef il dit, et Allah SWT a donné aux anges le pouvoir de pouvoir, la capacité de pouvoir prendre différents aspects. Donc ils peuvent venir comme ils sont venus à Ibrahim et à Lot, ils ont pris l'apparence de deux êtres humains. Quand ils sont allés voir Ibrahim et Lot, c'est comme ils peuvent aussi se transformer en différentes d'apparence physique. Comme par exemple, des fois, il apparaissait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de différentes façons, pas toujours le même. Des fois, il venait et il prenait l'apparence d'une personne qui s'appelle Dahya al-Kalbi. Et parfois, il venait et il ressemblait à un bédouin. Comme dans le hadith de Jibril qu'on a mentionné au début, hein, il est venu dans l'apparence d'un homme, comme il l'a dit, comme le sahaba l'ont décrit, شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر donc il avait des vêtements blancs éclatants et il avait des cheveux très noirs foncés donc et personne ne le connaissait donc c'était une personne qui venait d'ailleurs donc il avait une autre apparence Jibril peut changer d'apparence et des fois aussi le prophète Rasulallah l'a vu à deux occasions dans sa vraie apparence que Allah, dans laquelle Allah SWT l'a créé. Okay? Et c'est là qu'il a dit qu'il a 600 ailes et qu'avec une de ses ailes, un de ses ailes, il peut couvrir les cieux et la terre avec un de ses 600 ailes. Parce que, il dit après le chef que les hommes, ils ne peuvent pas voir les anges dans leur vraie, apparence, dans leur vraie image. Et lorsque les mouchriquines ont demandé, pourquoi Allah SWT n'aura pas envoyé un ange comme messager directement, Allah SWT a répondu, il a dit, si on leur envoyait un ange, l'affaire serait déjà faite et il n'aurait pas eu de délai, de délai d'attente. C'est-à-dire, ça aurait été déjà réglé la question, j'aurais déjà été anéanti, je pense ça. Et après, il dit, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. Et si on l'aurait envoyé comme étant un ange, on l'aurait mis dans, comme un homme. Donc, le cheikh, il dit après, il dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? C'est que si on aurait envoyé un messager aux êtres humains, un ange messager aux êtres humains, eh bien, on l'aurait envoyé dans la forme d'un être humain. Parce que les êtres humains, en général, ils acceptent de leur propre race, de leur propre espèce, exact. Et puis ils sont capables de les comprendre et tout. L'histoire de ceux qui ont Harut et Marut. Est-ce que c'était l'histoire à propos de Suleyman? Avant Suleyman, oui. Mais c'est mentionné dans l'Aïe, dans Surat al-Baqara, à propos de Suleyman. Oui, c'est ça, à propos de la magie. Mais c'est quoi le tafsir? Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, c'est ça. Mais le tafsir qui est le plus authentique, c'est lequel? Ah, ouais. Non, parce que j'avais entendu qu'il y en avait qui disaient que c'était pas des anges. Non. Ok. Faut que je retourne pour voir cette explication-là. J'ai entendu quelque chose ça fait longtemps, par exemple. Mais je me souviens plus exactement c'était quoi. Ouais. Non, Allah ou Alam, à ce sujet-là, je ne sais pas. Je vais revoir le sujet, Inch'Allah, dans le tafsir. Donc, ça y est, on peut voir comment la différence entre Tawhid et l'imam de l'Malaïka. Le Cheikh, il a pris seulement quelques pages pour expliquer à l'imam de l'Malaïka. Alors qu'il a pris 160 pages pour expliquer le tawhid. Donc ça nous montre l'importance du tawhid. Et bien entendu aussi la foi, le malaïka c'est important, ça fait partie des articles de la foi. Celui qui ne croit pas au malaïka, il est kafir, il n'est pas musulman, celui qui refuse de croire à l'existence des anges. Hein. Donc c'est important de croire à ça. Ça fait partie de l'article des articles de la foi. Et en général, c'est rare les gens qui ne croient pas aux anges. Même les croyants, mais en général, les chrétiens, les juifs et tout, là, ils croient tous aux anges. Donc, ça, c'est un des points qui sont reconnus parmi tous les prophètes et tous les messagers. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On va arrêter là pour ça. Pour que ce sujet s'est terminé. Puis la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer Al-Iman ibn Kutub, la foi au livre. Et ça aussi, c'est deux pages. Même si. Il est quelle heure? 8h? Ouais, on va finir d'arrêter maintenant. Et puis la semaine prochaine, bon, on va commencer là. On va faire Al-Iman ibn Kutub, Inch'Allah, et on va commencer la foi au messager aussi. On va le commencer, mais on ne pourra pas le finir parce que celui-là, il est plus long. Il a pris plus de pages pour expliquer l'imam de Rasul parce que à ce sujet-là, il y a eu des problèmes entre certains groupes. Et donc, c'est important de clarifier et d'expliquer plusieurs détails des erreurs qui sont arrivées avec certaines personnes au sujet de la foi. En les messages. Donc, نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا الحمد لله.